la vie ressente. Certains soirs à cette attente, dans le noir du soldat qui se gèle sur le mirador au bord d'un mur. L'ombre fait partie de la nuit quand le ciel planque ses étoiles. La mémoire a du vert de gris comme une image d'épinal. Pianiste des instants gâchés, joue-moi encore ce morceau. C'est une question de dérive entre la présence et l'absence quand la lune trop fugitive transfigure jusqu'au silence. Alors comme un chagrin du temps, l'arbre s'effeuille sans un bruit, tandis que l'automne et le vent se croient en pleine poésie. Pianiste des instants gâchés, je vois encore ce morceau. La vie est une escale. L'ailleurs est à côté. Demain n'est d'aujourd'hui et toujours de jamais. Pauvre de la mémoire. Cependant, l'éternité n'est qu'un accord de guitare. Pirouette